lave à 9 o'clock, je récupère à 3 du mat, on baise. Grave, j'ai pas le permis de portable. Grande brigade, on a DN. Grosse équipe, la chaîne est rodable. Y'a que des chats qui font de la PN. Tu n'es qu'un menteur, tu fais que dalle. Tu grattes le cul des glanders. Splendeur, j'envoie de la frappe, le top, on sait Marc Landers. Je m'accroche à mon âme. Dis-moi ce qui la veulent, on aurait vu le monde entier, même si on avait été aveugle. Voyons, y'a pas d'hôtel libre. Kelly, Belly, Sima, j'ai le coup de train de Balotelli. On ne sait faire que des délits. Nous ne sommes pas trop aimables. Tu veux clasher ta mère, tu seras la béquille du T-Max. En pleine après-midi, il y a des choses qu'on fait d'abord et qu'on dit après. Je m'apprête à faire du vacarme. La pute veut mettre au placard. Miroir, dis-moi qui sont les vrais, dis-moi, dis-moi qui sont les bâtards. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, génie quoi, bellissima. Isaac crime le cache, tous des vitales. On sent une italienne. On se coupe sur italienne. Tu fais ta modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, génie quoi, bellissima. Isaac crime le cache, tous des vitales. On sent une italienne. On se coupe sur italienne. Tu fais ta modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. L'enfer n'est pas de bonnes intentions, mais le diable vend de la poussière d'ange. Volant d'un Range Rover de location, je veux la Dolce Vita, je suis venu prendre ma revanche. Dead bitch, t'as le nez dans la blanche porcelaine. De nos textes, les faussaires se mènent. L'imitation reste la plus sincère des flatteries. T'auras pas le Steve Black, Rimo, Aïsalem. Harceler trop de femelles dans la même semaine. Un seul repas de ne plus trouver le sommeil. Arsenal de guerre, on arrive en mercenaire. On n'est pas des étoiles, on les laisse au système solaire. Insolent, je ne regrette pas le passé. Juste le temps perdu lorsque durs sont les mœurs, y'a rien à brasser. L'espoir perpétue, je perturbe la patience, c'est la meilleure des vertus. Pour des tagliatelles al dente, c'est un braquage à l'italienne. Usi mili que de mini, y'aura pas de Bentley. Mieux vaut un ennemi qu'un ami qui m'envie si j'ai la Dolce Vita couvert de Gucci. Certains rêveront que je perde mon level, que les keufs me soulèvent, qu'on me termine en ville. Ma pétaille s'est vêtue de Dolce. Yeux verts issus du Vésuve, elle m'appelle Marcello Ice, elle ignore que c'est à l'oseille que ma vie se résume. De la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, génie quoi, bellissima. Isaac crime le cache, tous des vitales. On sent une italienne. On se coupe sur italienne. Tu fais ta modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, génie quoi, bellissima. Isaac crime le cache, tous des vitales. On sent une italienne. On se coupe sur italienne. Tu fais ta modèle italienne. C'est un braquage à l'italienne. Dolce Vita, Rocco, Ginera. Nissan, on part au cap. On a 15 piges, on lave toutes nos affaires avec plus. Plus de 100 clients dans la carte SIM de la putain d'MD. Dans les boîtes à pizza, le rap game chromate. On marque le cycle, on s'empare du pactole. Ciao, buena sera. De la sella dans les avions, dans les chats, dans les narines, on échappe au bleu marine. Déjà venu des mecs de Paris. Veni qua bellissima, Gesco de Federico Fellini. Rien ne sert faire ton cinéma vu que le film ne va durer qu'une nuit. Sur les sentiers de la Dolce Vita,